Le Centre d'études des idées digitées du Brésil a inséré dans leur page d'internet un écrit qui présente le monument aux idées digitées, symbole de la grandeur des idées digitées, créé par le président Gemelson, fondateur de la Corée socialiste, avec la photo du monument.